Marche à tes côtés, sans aucune idée mal placée. Tout est sérieux, regarde dans mes yeux. Décrire l'amour parfait me fait rêver. Mais quand j'ouvre les yeux, je m'enfonce seul au fond de ton cœur. Qui entoure nous pour un peu d'attention. Je sais, parfois je fais le mauvais garçon, mais j'ai trop l'impression d'être constamment en mission. Dans ce monde de pression, alors embrasse-moi et je m'en irai, pensant à toi cette nuit. Cette nuit, vivant la nuit, les mains dans les poches, les yeux observant le sol, et ses folles sur le trottoir. Bitch, à toi de voir, viens me voir, je suis là et tu sais, girl. Et tu sais que tu peux compter sur moi, et tu sais que je peux t'aimer, crois-moi. Et tu sais que tu peux compter sur moi. Et tu sais que je peux t'aimer, crois-moi. Je ne cherche pas le blanc de nuit, mais le blanc de toute la vie. Les filles du nuit, c'est fini. Enfin, tu sais. Nuit, mais le plan de toute la vie, les filles du nuit, c'est fini. Enfin, tu sais, je suis toujours préoccupé à frapper ton cœur et puis merde. Regarde tes côtés, personne n'est là. Tu penses être assez fort pour l'endurer. Non, là, tu t'es gouré. Je suis là comme pour te surveiller, mais je ne veux pas te saouler, alors je te laisse marcher. Prends soin à ton sale passé, bébé. Tu peux pleurer, les bras pourront te consoler. Fuck les règles de l'amour, observant les étoiles, imaginant tous les yeux sur moi, tous les yeux sur moi, comme une toi sur terre, homme précieux, prends soin à nous deux, tu le sais, girl, et tu le sais, et tu sais que tu peux compter sur moi, et tu sais que je peux t'aimer, crois-moi. Et tu sais que tu peux compter sur moi. Et tu sais que je peux t'aimer, crois-moi. Et tu sais que tu peux compter sur moi. Et tu sais que je peux t'aimer, crois-moi. Ange avec un cœur de pierre, j'ai eu envie. Et tu m'as dit oui, alors que je veux te montrer du bonheur. Pour un cœur sans espoir, j'ai couché avec toi par simple envie. La vie continue, les larmes te suivent, je te poursuis. Je surveille tes ennuis, tu traînes la nuit. Tu me fais venir, je sens les ennuis. Bébé, peux-tu venir? Je veux changer ta vie. Fille sale qui grandit, état d'esprit sale, servant du sexe pour l'adoucir. Il est temps de changer, forme ma poésie. C'est pas ça que je vise, mes mots sont vrais, tout comme toi, et tu le sais. Garde un œil sur toi. Je ne veux pas te saouler, je veux te montrer le bon côté. Prends ce nouveau chemin, je change mon ancien chemin. Je veux juste que je t'appelle, et tu sais. Et tu sais, girl. Et tu sais, girl. J'essaie de te montrer le chemin. ancien chemin. Yeah, yeah, yeah. Je donne de l'amour à toutes les vraies meufs. Les vraies meufs. Oh, oh, oh.